气息。 J'suis pas cagoulé, mais vis de la caisse. Faut m'y renoncer, y'a toute la tête. J'ai pas commencé, ils veulent que j'me taise. Ici c'est moi le king, j'avalais la fèvre. Couille de mammouth, calage sous le bas. En bas dans le bendo, pour moi c'est la base. Quand j'appuie sur la détente, je quitte la case. Plus des meilleurs de four, en bas le ton neuf. Gang gang gang, main gantée. Gang gang gang, t'es dans un pétrin. Bang bang bang, que de la gueule gros. Gang gang gang. On est gang gang gang, ouais c'est bon. On est gang gang gang. Gang gang gang, moi et ma tête. Gang gang bang bang. Every day j'quitte, j'fais de la moula. Every day bang sur la volaille. Every day j'brille comme le soleil. Every day, every day. On est gang gang gang. On est gang gang gang. Gang gang gang, on est gang gang gang, on est gang gang gang, on est gang gang gang, toujours gang gang gang. Même si elle est bien, j'ai même pas la pression. En grand sans peser, personne connaît pression. Toi tu dis que tu m'aimes, tu donnes pas la pression. Non si ça t'arrête, faut bien que je me presse. Non les fois où t'es bien encastré dans la mazine. Mais j'ai dit que t'as fait mes preuves, non alors c'est plus l'heure. On fait ça un peu pro, gang gang gang. Gang gang gang, gang, gang, gang. Un client un peu chaud, gang gang gang. Ah, bang bang bang, on va prendre le réseau, bang bang bang.